Et un de ces problèmes communs que nous avons tous ici-bas est encore pire que la guerre conventionnelle. Et je sais que cette phrase, nos chers amis ukrainiens et russes auront du mal à comprendre. Mais c'est malheureusement le cas. Il y a un problème qui touche encore beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, malgré la guerre, vous pouvez participer. Mais beaucoup de gens ne peuvent plus faire cela. Pourquoi ? Parce que la pandémie de COVID a atteint une nouvelle dimension. Quand on parle de la vaccination obligatoire et des gens qui ont été endommagés par les vaccins, vous avez vu ça dans les émissions de la TV, des milliers de gens endommagés. Eux, ils sont touchés pour le reste de leur vie. La guerre peut se terminer, mais ça ne va pas se terminer. Et la pandémie de COVID, je souligne le L de pandémie, va dans une dimension nouvelle. Et ça fait partie de ce parvis ténébreux, sombre que je dois traverser avec toi. Comme on a prouvé ça dans des centaines d'émissions de CLA TV, il y a la décision officielle d'inoculer des substances toxiques à ARNM à tous les habitants de la planète. Et ça cache un plan de dépeuplement mondial ciblé. Et un des principaux acteurs, il y en a beaucoup, mais c'est un peu une figure symbolique. On peut le prendre pour tous les autres. Un des principaux acteurs, des principaux financiers et tireurs de ficelle de ce plan eugénique, c'est Bill Gates. Je souligne que ce n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup de sa sorte. Mais avant de vous présenter des faits concrets sur une nouvelle dimension du développement des vaccins, écoutons en version originale cette tête dirigeante qui, avec ses milliards, a, pour ainsi dire, déjà acheté toute l'OMS. Écoutons ce qu'il dit dans la version originale pour que tu vois ça toi-même. On fait tourner le film. Nous voyons ici un graphique qui représente l'ensemble de la population mondiale au cours des quelques dernières centaines d'années, et c'est un peu effrayant à première vue. Effrayant, et alors ? Le bénéfice est de réduire la maladie, de réduire la croissance démographique, le bénéfice est de réduire la croissance de la population. Réduire la croissance de la population ? Et si vous pensez que c'est un lapsus ? Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards d'habitants. Cela va augmenter jusqu'à environ 9 milliards. Si nous faisons vraiment du bon travail avec de nouveaux vaccins dans le domaine de la santé et des services de santé reproductifs, nous pouvons réduire cela d'environ 10 à 15%. Si nous faisons vraiment du bon travail avec les nouveaux vaccins, nous pourrons peut-être réduire ce chiffre de 10 à 15%. Donc vous voyez cela, bien sûr, nous savons cela, nous connaissons les arguments, les médias disent « Oh non, il ne voulait pas dire ça comme ça, on l'a mal compris ». Non, tu vois cela, sur 10 ans, il dit toujours la même chose, il dit toujours la même chose sur plusieurs années. Si j'étais un voleur et qu'on me trouvait en plein dans les faits, bien sûr, j'essaie d'embellir la chose. Mais c'est une affaire avec l'eugénisme qui a été toujours pratiquée. Nous avons avec la TV prouvé dans des centaines d'émissions qu'il y a un plan d'élimination des peuples qui est en pleine mise en pratique dans différents pays déjà. Mais maintenant vient un nouveau développement pour une vaccination inconsciente sans notre connaissance. Vous savez, aujourd'hui, des millions de gens se lèvent et se mettent contre cela, contre l'obligation vaccinale. Mais depuis de nombreuses années, comme vous allez voir, il y a un nouveau niveau de la vaccination forcée qui est en plein essor au moyen d'aliments. La même chose qu'avec le COVID, le même résultat, sauf que tu ne seras pas piqué, tu vas le manger. C'est encore en développement en partie, mais on devrait vraiment faire attention à ce si on pense « Oh, on a encore beaucoup de temps ». Regardons les faits. Les Chinois ont déjà réussi à charger du lait de vache avec de l'ARNm qui a été absorbé dans le tube gastro-intestinal des receveurs. Et je dis d'emblée, les inquiétudes concernant l'introduction secrète d'ARNm dans les aliments sont justifiées. Celui qui dit autre chose, il n'est pas, il fait une faute. Tout comme les gens ont dit que la vaccination contre le Covid est inoffensive. Mais ça doit être stoppé. On en parle parce que le monde entier doit se réveiller contre ces Frankenstein qui font ces atrocités, qui veulent vacciner les masses à travers des fruits et légumes. Regardons ce qui a déjà été fait. Donc Zhang et ses collègues ont donné du lait chargé d'ARNm à des souris et le tube gastro-intestinal des souris a absorbé les exosomes et l'ARNm a réussi à atteindre la circulation sanguine et le tissu lymphatique des souris. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est exactement ce qui se passe avec le Covid. Ça va dans le sang. Même si tu reçois la piqûre dans les fesses, tu l'as ensuite dans le sang, dans la tête, partout. C'est ça qui s'est produit. Et celui qui dit que c'est pas grave, attention. Tu pourrais faire partie de ce mouvement eugénique si tu ne te mets pas contre cela. Donc, cette expérience peut servir de nouvelle méthode d'administration orale d'ARNm. Selon les scientifiques, ils disent que ça va bientôt être le cas, mais c'est déjà trop tard. Ça pourra bientôt être administré via les aliments. Et comme d'habitude, les citoyens ne sont pas informés de manière alarmante et approfondie. Ils le savent. Ça doit de nouveau venir par les médias libres, les grands médias, les médias avec les redevances obligatoires. Pourquoi est-ce qu'ils en parlent? Parce que partout, c'est mis à la lumière et doivent de nouveau apaiser les gens, rassurer les gens. Donc, il est plus que justifié de craindre que l'ARNm va bientôt être diffusé dans les populations sans que les citoyens en soient informés. Mais nous sommes aujourd'hui ici avec ce point commun et je vous pose la question, vous voulez ça? Non. Alors écoutez bien, parce que c'est essentiellement important ce qui se passe. Des scientifiques renommés de tous bords, des médecins, des juristes et autres nous rappellent, en guise d'avertissement, comment l'industrie pharmaceutique et les responsables politiques ont perdu toute notre confiance lors de la pandémie de Covid. Ils nous mettent en garde de nouveau, tout comme ça a été fait lors de la pandémie. Tous les vaccins ARNm sur mesure n'ont toujours pas été testés. Ce n'est pas du tout sans danger. Bien que selon la National Cattlemen's Beef Association, il n'existe actuellement aucun vaccin ARNm autorisé pour les bovins aux États-Unis, par exemple. En même temps, un lobbyiste de la même association se vante d'avoir doublement vacciné son propre troupeau de bovins contre la maladie respiratoire avec un vaccin ARNm. Maintenant déjà, donc vous voyez ces percées vaccinales. Donc d'un côté, cette association dit non, non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas autorisé. Mais malgré tout, des gens mettent cela en pratique. Tout le monde sait que ça a été déclenché sans qu'on voit si c'est dangereux ou pas. Ce sont des cinglés qui mettent ça en route et qui veulent tuer les peuples. Ça, on doit vraiment le garder à l'œil. C'est un plan de la dépopulation mondiale qui est dans les têtes de milliers de gens de très haut rang. Breaking news, un article dit « Les lobbyistes des associations de bovins et de porcs dans plusieurs États ont confirmé qu'au cours du premier semestre de 2023, ils utiliseraient des vaccins ARNm chez les porcs et les vaches. » Donc tu vois ça très clairement, le fait est que le gouvernement américain travaille depuis déjà 20 ans à l'intégration de vaccins dans les aliments. Vous voyez, s'ils mettent ça dans les animaux, ils disent « Oh, ça fait rien si on mange ces animaux !» C'est super dangereux, aussi dangereux que le vaccin Covid. Si on comprend ça trop tard, on aura ça de leçon. On doit stopper cela. Regardez, dans une interview à ce sujet avec Naomi Wolf, datée du 2 avril 2023, elle a de nouveau soutiré à Reims des noms de manipulateurs qui, de toute évidence, ne peuvent manquer dans aucune enquête sur les abominations menaçantes pour le monde. Je cite Bill Gates, donc le voilà de nouveau, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et toute une série d'universités parlent toutes d'introduire des vaccins ARNm dans l'alimentation. Ils vont modifier les gènes de ces aliments pour qu'ils deviennent des vaccins à ARNm. Écoutez bien ce qui se passe là. C'est la piqûre dans la bouche. Et même pas les vérificateurs de faits allemands n'ont pu nier cela, même s'ils ont minimisé à nouveau cette attaque déjà en cours de Big Pharma et de ceux de l'OMS qui aimeraient être dirigeants du monde. Les vérificateurs de faits, Faktenchecker allemands, ils en font partie. Des mondialistes comme le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, ont également admis ouvertement qu'ils avaient l'intention de modifier l'humanité, tant au niveau génétique que par l'intégration de l'intelligence artificielle et de la nanotechnologie dans le corps humain. Qu'est-ce qui pourrait être mieux adapté que ça? Ça va encore un pas plus loin. On a entendu parler donc de la viande porcine et de lait de vache. Maintenant, ils vont faire ça aussi dans les feuilles de légumes. Les feuilles de légumes comme usine à vaccins ARNm. Alors, tu peux dire, je mange plus de viande. Peut-être que pour les végétariens, c'est pas si grave. Non, vous les végétariens, soyez très éveillés. Les légumes à feuilles, comme des sources sérieuses ont attesté et confirmé, ça fait longtemps qu'on fait des recherches là-dessus pour produire des vaccins dans des plantes génétiquement modifiées qu'il faudrait ensuite manger pour être vacciné. Et on en fait même la publicité. Tu veux écouter un tel texte? Ça touche directement les enfants. Citation. Lorsque les enfants sont vaccinés, il s'agit généralement d'une injection. Comme il serait plus agréable que les petits patients, ils appellent ça les patients, puissent simplement manger tous les vaccins, par exemple sous forme d'une banane vaccinale. Tu lis ça, ça fait plus de 10 ans que c'est paru. Si tu pouvais acheter cela volontairement dans une pharmacie, ça, ce serait une chose. C'est déjà Frankenstein, c'est grave. Mais c'est tout simplement fait, tu comprends? Ces gens, ils possèdent les chaînes alimentaires les plus grandes du monde. C'est ça le problème. Tu ne pourras plus contrôler d'où viennent ces choses. Juan Pablo Giraldo, professeur agrégé au département de botanique et de sciences végétales de l'UCR, Université de Californie, qui dirige les recherches, témoigne. Je cite, « Nous testons cette approche avec des épinards et de la laitue. Et notre objectif à long terme est que les gens les cultivent dans leur propre jardin. Les agriculteurs pourraient finalement en planter des champs entiers. Ouais, d'accord. Au début, on fait toujours des choses comme ça. On dit, non, c'est trop dangereux, on doit prendre ça en main. C'est une illusion qu'un scientifique dise, tu peux faire ça dans ton jardin. C'est beaucoup trop dangereux. Nous comprenons l'affaire, puisque eux, ils veulent l'argent. Oui, c'est toujours en lien avec l'argent. C'est que pour que les gens crient « Ah non, c'est trop dangereux, faites-le vous !» Et pour ce projet, Giraldo s'est associé à une professeure de nano-ingénierie de l'Université de Californie de San Diego afin d'utiliser les nanotechnologies développées par son équipe. Ça, c'est en plein développement. Nous avons mis un lien pour prouver que les recherches, que ça fait plus d'une décennie que les chercheurs travaillent sur les vaccins oraux à travers les légumes et fruits, les maïs et tomates, etc. Plein de fruits et légumes déjà. Si ça se produit, ça sera dans tous les légumes, tous les fruits. Et si maintenant tu te dis, ils parlent pas de courgettes, donc c'est pas très grave. Mais si, ça sera partout. Donc si l'on considère que les autorités sanitaires insistent sur la prétention que les vaccins COVID sont sûrs, il n'est pas étonnant qu'elles insistent à nouveau sur la prétention que tous les aliments et boissons traités par ARNm sont inoffensifs. Les mêmes gens qui ont sur leur conscience des milliers de gens, vous savez, dans nos émissions, et les gens qui mettent en terre les gens sont en train de mettre à la lumière que les cadavres se sont empilés depuis la vaccination. Tu n'entends pas ça dans les médias du mainstream. Les mêmes gens, donc c'est pas du tout, c'est complètement inoffensif. Hein. Les mêmes gens qui ont dit que c'était inoffensif, le vaccin était inoffensif contre le Covid. Mais nous pouvons aujourd'hui déjà, 20 mai 2023, nous attendre avec une certitude mortelle que l'ARNm ne passera pas uniquement dans le sang, par la bouche et l'estomac des souris. Et comme toujours, ça va être fait avec les humains aussi. Nous devons faire quelque chose contre cela. Et je te dis comment ça se passe. Seuls des amis peuvent faire cela, des gens qui sont unis, qui se synergisent, qui ont appris à surmonter les crises personnelles qui sont les plus difficiles dans tout ça. Vous savez, on croit toujours, ceux là-dehors, ils sont si forts, on ne peut pas les surmonter. Mais le pire, c'est dans toi-même, parce que c'est dans toi que tu dois surmonter les pires choses. Et comme toujours, lorsqu'une population mondiale entière est menacée dans son existence, les médias donnent la parole à toutes sortes de fameux porte-paroles de Big Pharma, puisque ce sont leurs médias du cartel, de toute manière. Tout cela nous assure que les animaux injectés par ARNm peuvent être mangés sans danger. Une autre ligne rouge qui a été franchie depuis longtemps. C'est pour ça que je dis, à l'avenir, il sera extrêmement important de s'informer et d'informer le monde entier sur ce qui se passe avec notre approvisionnement alimentaire. Croyez-le, on ne peut pas simplement régler ça. Oh, il doit y avoir écrit si petit sur le produit s'il y a des substances à ARNm qui sont dedans. Ça doit être empêché de la base. Ces gens doivent vraiment être stoppés. Et voyez, même de nombreuses personnes moteurs dans le dévoilement étaient surprises d'apprendre que les vaccins par ARNm étaient déjà utilisés chez les porcs depuis plusieurs années. C'est une mauvaise information pour ceux qui aiment manger la viande de porc. D'une manière générale, l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et sa science à la Frankenstein doivent être surveillés en détail. C'est criminel. Parce que, écoute bien, en mars 2010 déjà, je peux te présenter les titres suivants. Pas seulement de NTV, une chaîne allemande du dévoilement, mais aussi d'autres l'ont dit parce qu'il n'y avait pas encore de résistance. Écoute les titres. Insectes génétiquement modifiés. Tu vois, c'est des insectes génétiquement modifiés, les moustiques injectent des vaccins. Et ensuite, le sous-titre, on sait que les moustiques peuvent transmettre la malaria. Des chercheurs ont maintenant élevé des moustiques qui produisent des vaccins dans leurs glandes salivaires. Pas vont, c'est pas une idée, une vision. Ils l'ont fait en 2010. Tu comprends? C'est en pleine action. Donc, si tu laisses faire ces Frankenstein, tu ne sais pas si les moustiques vont devenir un danger existentiel pour toi. Nous devons contrôler ces gens. Ça doit être le cas. Et avec l'apparition de toutes sortes de nouvelles créations de l'homme, c'est-à-dire de moustiques et de mouches à l'ADN modifié, là, l'histoire se répète. Je le dis comme je pense que ça a été le cas, tout comme l'apparition de toutes sortes d'animaux qui non seulement se piquent et se dévorent entre eux, mais portent constamment atteinte au corps et à la santé de milliards d'êtres humains, qui nous ruinent sur le plan de la santé. Écoutez ce qu'il y a écrit dans la Bible, ce que Dieu dit de sa création. Genèse 1, verset 31. S'il vous plaît, croyez enfin ce qu'il y a écrit dans la Bible. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, et trouva cela très bon. Une bête qui te mord, un moustique qui te pique, est-ce que c'est très bien? Très bon? Chaque enfant pourra te dire que c'est pas bien du tout. Chaque humain en est tourmenté. D'innombrables êtres vivants, sur et dans la terre, sur et dans l'eau, et dans les airs, ne sont ni bons, ni très bons. Pas du tout. Pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas été créés par Dieu, mais par des hommes sous inspiration satanique. Tout comme aujourd'hui, ça s'est déjà produit une fois, des gens inspirés de manière satanique ont créé cela. Ce ne sont pas des créatures de Dieu, ce sont des êtres créés de manière satanique. Et ça se produit de même manière aujourd'hui, par le biais de la modification de l'ADN. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est probablement le plus grand initié de tous les temps qui l'a dit il y a 3000 ans. Je cite, c'est un initié, un homme de Dieu, de vraiment une grandeur. Ce qui a été est ce qui sera à nouveau. Et ce qui a été fait est ce qui sera fait à nouveau. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9 et 3, verset 15. Regarde à nouveau mon documentaire plus détaillé, phase 2, un verrouillage de l'ADN, sur CLA TV. Tu vois le lien en français, 167 099. Voyez, et ensuite, tous les hommes doutent de la bonté de Dieu et de la vérité de la Bible. On en doute. Après chaque animal déchiré et après chaque homme mordu, empoisonné et tué, les hommes horrifiés accusent Dieu. Oh, comment tu peux permettre cela? quand la mère a perdu un enfant parce qu'elle a été mordue par un serpent, alors ils ont dit que si on fait un bon travail, et on va, l'enfant pourra mettre sa main dans le trou de la vipère et il ne sera pas mordu. Comment Dieu peut permettre cela? Non, c'est ça qu'il demande. Et tu vois, d'autres, parmi les hommes, justifient même par cette création dégénérée qui a été créée par des scientifiques diaboliques. Ils justifient les meurtres de masse et autres. Ils tirent, comme autrefois Adolf Hitler, de la nature prédatrice la mauvaise conclusion. Ils pensaient que c'est la nature de Dieu, donc où règne le plus fort. Ils se sont dit, ah donc c'est normal que nous aussi les hommes, nous nous entretuions et que le plus fort prenne la direction. Non. Peut-être le plus sage, d'accord, ou le plus aimant. Non, ça ne suffit pas. Nous allons percer au nouveau niveau si nous n'apprenons pas à comprendre la direction de l'homme par Dieu. Le chaos va continuer et devenir pire encore. Maintenant, je résume. Il y a des découvertes archéologiques spectaculaires qui prouvent qu'il y a des millénaires, il existait déjà différentes cultures très développées, bien supérieures à notre niveau technologique actuel. Il y a des millénaires déjà.